Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zand. Deuxième épisode. Ismaël, un jeune Américain fasciné par les horizons lointains et les rivages barbares, décide de s'embarquer pour une croisière de pêche à la baleine. L'histoire se déroule dans les années 1840 et commence à New Bedford, à cette époque le plus actif des ports baleiniers de Nouvelle-Angleterre. À l'auberge du souffle de la baleine, Ismaël devient l'ami d'un harponneur des mers du Sud. Kikeg, tel est son nom, est un sauvage au corps couvert de tatouages, peut-être cannibale, mais d'une noblesse de cœur et d'âme qui force le respect. Tous deux se rendent sur l'île voisine de Nantucket, où Ismaël se voit confier le choix du navire qui les emportera à la poursuite du Léviathan. Il y avait à quai trois navires en partance, la Diablesse, la Bonne Bouche et le Pequod. Mon choix fut vite fait, ce ne pouvait être que le Pequod. Ce nom, vous le savez sans doute, est celui d'une tribu d'Indiens du Massachusetts, aujourd'hui disparue. Quel extraordinaire baleinier! C'était un bâtiment de l'ancienne école, qui avait l'air suranné des meubles à pied de griffon. Ses mâts se tenaient aussi droit que l'épine dorsale des trois vieux rois mages de la cathédrale de Cologne. Ces ponts antiques étaient usés et ridés comme la dalle de la cathédrale de Canterbury, lustrés par les semelles des pèlerins, là où fut versé le sang de l'archevêque Thomas Becket. Sa vénérable coque, recuite et boucanée par les typhons et les calmes des quatre océans, avait le teint basané d'un grenadier français qui a fait à la fois la guerre d'Égypte et la campagne de Sibérie. Le vieux capitaine Peleg, qui avait été longtemps second à bord avant de prendre le commandement de son propre bâtiment, puis de devenir l'un des propriétaires du Pequod, Peleg donc, durant tout le temps qu'il y fut officier, ajouta au caractère fantastique d'origine du navire, en disposant un peu partout des ornements bizarres. De sorte qu'il était maintenant paré comme un empereur de la barbare Éthiopie, le cou alourdi de pendentifs d'ivoire poli. C'était un navire devenu trophée. Un bâtiment cannibale. Les longues dents aiguës du cachalot hérissaient ses pavois. Sa barre avait été taillée dans l'étroite mâchoire inférieure du Léviathan. Et il paradait ainsi, couvert des os ciselés de son ennemi héréditaire. Un noble navire, et pourtant si chargé de mélancolie. Je fus accueilli sans douceur par ce Peleg dont je viens de parler, qui portait un vêtement de drap pilote bleu coupé à la façon Quaker. Il était installé à l'arrière du grand mât dans une sorte de wigwam construit avec les lames noires élastiques des fanons de la baleine franche. Je m'avançai vers l'ouverture de la tente. Suis-je devant le capitaine du Pequod? En supposant que ce soit lui, qu'attends-tu de lui? Je songe à m'embarquer. T'embarquer, vraiment? Tu n'es pas de Nantucket, à ce que je vois. Quelle raison te pousse à partir pêcher la baleine? Je veux voir ce qu'est la grande pêche et voir le monde aussi. Ah, voir ce qu'est la grande pêche. As-tu déjà rencontré le capitaine Ahab? Qui est le capitaine Ahab, monsieur? Le patron de ce navire. Eh bien, si tu veux savoir ce qu'est la pêche à la baleine, jeune homme, va t'en voir le capitaine Ahab, et tu découvriras qu'il n'a qu'une jambe. A-t-il perdu l'autre à cause d'une baleine? À cause d'une baleine? Approche, mon garçon. Sa jambe a été dévorée, mâchée, broyée par le plus monstrueux cachalot qui ait jamais défoncé un canot. Maintenant, va là-bas, du côté du vent, et reviens me dire ce que tu as vu. Eh bien, qu'as-tu vu? Pas grand-chose, rien que de l'eau. Alors, désires-tu toujours voir le monde? Veux-tu doubler le Cap Horn pour en voir davantage? Ne veux-tu voir le monde là où tu es? Rien n'aurait pu me décourager. J'étais déterminé à partir. Et à partir sur le Pequod, qui était un aussi bon navire qu'un autre. Et même le meilleur, pensais-je. Peleg finit par céder et m'engagea. Il m'offrit un 300e comme part des bénéfices nets de la campagne. Un bien maigre salaire. Il est vrai que je savais tenir une barre, mais j'étais parfaitement novice en matière de pêche. Les papiers signés, je m'avisai que le capitaine avec lequel j'allais partir me demeurait inconnu. Je demandai à le voir. Je ne crois pas que cela soit possible pour l'instant. Le capitaine Akab reste enfermé chez lui, comme un malade, bien qu'il ne soit pas vraiment malade. Mais il sera bientôt rétabli. C'est un homme singulier, mais brave. Il y a de la grandeur en lui. Oui, du blasphème et du divin. Oh, tu verras. Akab est au-dessus du commun. Il a connu des prodiges plus profonds que les vagues. Plonger sa lance ardente dans le cœur d'ennemis, plus puissant et plus étrange que les baleines. C'est Akab, mon gars. Akab. Tu sais que dans les temps bibliques, Akab était un roi. Et un roi qui porta couronne. Un roi tyrannique, criminel et idolâtre. Lorsque ce roi impie fut tué, les chiens n'ont-ils pas léché son sang? Écoute-moi. Le capitaine Akab n'a pas choisi son nom. C'est une lubie de sa veuve de mère, une folle, une ignorante. Moi, je le connais bien. J'ai été son second il y a longtemps. Certes, il n'a jamais été un joyeux luron. Mais depuis qu'il a perdu sa jambe au dernier voyage, à cause de ce maudit cachalot, il est... comment dire... maussade, hargneux, enragé parfois. Cela lui passera. C'est un bon, un très bon capitaine. Ne sois pas injuste à son égard, sous prétexte qu'il porte un nom infâme. Je quittai le navire, songeur, troublé par tout ce qui venait de m'être révélé du capitaine Akab. Le cœur rempli de compassion et de tristesse, mais aussi d'une douleur intense et, comment dire, d'une sorte de terreur sacrée impossible à décrire. Mais j'étais surtout impatient de voir s'éclaircir le mystère autour de ce personnage qui m'avait été présenté de si intrigante manière. Le lendemain, je retournai au navire dans l'espoir de faire engager Kikeg. Hola, pas de cannibale à bord. Ce sauvage doit me montrer ses papiers et me prouver qu'il est converti. Mais mon ami que voici est membre de la première église congrégationaliste. La première église congrégationaliste? Quelle sornette me racontes-tu là, jeune homme? Je jurerais qu'il n'a pas été baptisé. Sans quoi, on n'y verrait plus la couleur du diable sur le visage. Je suis très sérieux, monsieur. Je parle de la très ancienne église catholique à laquelle nous appartenons, vous et moi, et Kikeg, que voici. Ainsi que tout être né d'une femme et doté d'une âme. Cette vaste congrégation universelle dont nous sommes tous membres. Simplement, certains d'entre nous ont des marottes bizarres. Ah, ça, jeune homme, tu devrais t'embarquer comme missionnaire. Je n'ai jamais entendu meilleur sermon. Voyons, comment s'appelle-t-il déjà? Quiconque? Quelconque, ah oui. Approchez. Par la grande ancre, quel harpon! L'outil a l'air de bonne trempe et il le manie comme il faut. Dis-moi, quiconque, quelconque, enfin peu importe. As-tu déjà piqué une baleine? Capitaine, voir là-bas, petit goudron sur l'eau. Voir bien là-bas. Alors, capitaine, pensez œil de baleine. Bon. Kikeg ajusta son tir avec soin et décocha son fer juste au-dessus du chapeau à large bord du vieux Peleg. Le harpon traversa les ponts du navire et toucha la tache scintillante de goudron qui disparut. Maintenant, capitaine, Vous pensez lui être tache de baleine. Bon alors, baleine morte. Il me faut absolument ce quinconce. Comment s'appelle-t-il déjà, quiconque ? Dans l'une de nos pirogues. Vite, faisons-le signer. Écoute-moi, fils des ténèbres. Je vais te donner une part d'un 90e. C'est plus que ce qu'a jamais obtenu un harponneur de Nantucket. Bon. J'imagine que tu ne sais pas écrire, quiconque. Et par tous les diables, vas-tu mettre ton nom ou dessiner ta marque sur ces papiers ? La question n'embarrassa nullement Kikeg, qui avait déjà participé à des cérémonies de ce genre. Il saisit la plume qu'on lui tendait et copia sur le rôle d'équipage, à l'endroit qu'il fallait, la réplique parfaite d'un curieux motif tatoué sur son bras. C'est ainsi qu'il se trouva engagé avec moi à bord du Pequod. Nous prîmes congé de Peleg, qui s'en alla un peu plus loin surveiller des voiliers occupés à raccommoder des huniers. Alors que nous nous éloignions du quai, une voix véhémente nous apostropha. Oh, matelot, vous embarquez sur ce navire ? L'inconnu qui pointait l'index sur le Pequod portait une veste et des pantalons rapiécés. La petite vérole avait creusé sur son visage un labyrinthe de ravines. À bord du Pequod, vous voulez dire ? Oui, nous venons de signer le rôle d'équipage. Pas de clause touchant vos âmes ? Touchant quoi ? Mais peut-être n'en avez-vous pas. C'est sans importance. Et vous avez vu coup de tonnerre, j'imagine. Qui est coup de tonnerre ? Le capitaine Akab. On me dit qu'il est sans doute malade, mais qu'il sera rétabli sous peu. Sous peu ? Sous peu ? Et que vous a-t-on raconté à son sujet ? Pas grand-chose. On m'a dit que c'est un bon chasseur de baleines et un bon capitaine. C'est vrai, c'est vrai. Mais on ne vous a rien dit sur ce qui lui est arrivé il y a longtemps au Cap Horn ? 3 jours et 3 nuits étendus comme morts. Rien sur cette violente querelle avec l'Espagnol dans le port de Santa, au Pérou ? Rien sur cette calebasse d'argent dans laquelle il a craché, sur la jambe qu'il a perdue conformément à la prophétie de Tipstig, la vieille chouot. Pas étonnant. Peu de gens à Nantucket connaissent ces choses. Mais vous devez au moins avoir entendu parler de sa jambe et de la manière dont il l'a perdue. Mon ami, j'ignore à quoi rime tout ce charabia et j'incline à penser que vous avez le cerveau endommagé. Mais sur ce dernier point, laissez-moi vous dire que je sais tout sur la perte de sa jambe. Tout ? En êtes-vous sûr ? Êtes-vous bien sûr de tout savoir ? Oui, je le pense. Bon ? De toute façon, vous êtes embarqué. Pas vrai ? Ce qui est signé, est signé. Le bonjour, camarade. Le bonjour ! Les cieux ineffables vous bénissent ! Eh bien, Kikeg, laissons cet insensé. Hé, hey, l'ami, comment vous appelez-vous ? Élie, c'était le nom du prophète biblique qui avait vécu au temps d'Akab. Le discours ambigu, les sous-entendus et demi-révélations de ce prophète en guenilles suscitèrent en moi des interrogations mêlées de craintes mal définies. Nous continuâmes notre chemin, Kikeg et moi. Un peu plus loin, je me retournai et vis que Monsieur Élie nous suivait. Plus loin encore, il tourna au même angle de rue que nous. Pourquoi nous filait-il ainsi ? Je changeai de trottoir et rebroussai chemin, décidé à lui demander une explication. Mais il avait disparu. Bel et bien disparu. À qui avais-je eu affaire ? C'est un mystificateur, décidai-je en mon fort intérieur. Un farceur qui essaie de jouer les croque-mitaines. Êtes-vous sûr de tout savoir ? De tout savoir ? Tout ? Un jour ou deux passèrent qui furent consacrés à l'armement du navire. Chacun sait qu'une multitude d'objets est nécessaire à la bonne tenue d'un intérieur. Imaginez donc ce que peut être le chargement d'un vaisseau qui va demeurer 3 ou 4 ans sur le vaste océan loin de tout commerce. Car en plus des denrées ordinaires, il lui faut emporter ses nombreux articles servant à la pêche que jamais il ne pourra trouver à remplacer dans les ports lointains et des quantités de rechange, pirogues de rechange, espars de rechange, lignes et harpons de rechange. On emporte à bord des rechanges de tout, ou presque, sauf du capitaine et du bâtiment. L'ancre fut levée le jour de Noël, un Noël glacial. Le Pequod fut remorqué jusqu'à la haute mer, et Peleg fit alors ses adieux à Starbuck, le second. Monsieur Starbuck, êtes-vous sûr que tout est en ordre ? Le capitaine Ahab est prêt, je viens de lui parler. Plus rien à embarquer. Bon. Bonne chance, monsieur Starbuck. Adieu. Ne chassez pas trop le jour du Seigneur, monsieur Starbuck. Mais ne manquez pas non plus une bonne occasion. Il ne faut point repousser les dons du ciel. Adieu. Dans 3 ans, jour pour jour, un bon souper fumant vous attendra à Nantucket. Allons, bonne chance à tous. Peleg redescendit dans son robuste petit bateau à voile, et le navire et le bateau s'écartèrent l'un de l'autre. Le vent froid et humide de la nuit entre eux se précipita. Une mouette criarde passa au-dessus de nos têtes. Les longues rangées de dents de cachalot sur les pavois luisaient dans le clair de lune. Le cœur lourd, nous lançâmes 3 vivas, et tel le destin aveugle, nous plongeâmes dans les solitudes de l'océan Atlantique. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Deuxième épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Miglen Mirtchev, Kikeg, Albert Delpy, Peleg, Quentin Bayot, Elie, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboualiten, Pierre-Jean Pagès, Mathias Young, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinage. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.